Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumut tekâthur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La course aux richesses vous distrait. Hattâ zurtumul maqâbir. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Allâ sawfa ta'lamûn. Mais non, vous saurez bientôt. Thumma kalla sawfa ta'lamûn. Encore une fois, vous saurez bientôt. Allâ law ta'lamûn 'ilma al-yaqîn. Sûrement, si vous saviez de sciences certaines. La tarawun al-jahim. Vous verrez certes la fournaise. Thumma la tarawunha 'ayn al-yaqin. Puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Puis assurément vous serez interrogé ce jour-là sur les délices.